Elle disait avoir vécu en malheureuse paria à laquelle on croit faire grâce lorsqu'on ne lui fait pas d'injures. Mais loin de la décourager, un tel statut, intimement lié à celui assigné à la femme au début du 19e siècle, l'a incité au contraire à traverser des océans et à pousser toutes les portes, y compris celles de cercles longtemps réservés aux hommes. De pérégrination en promenade, Flora Tristan a témoigné des réalités économiques et sociales de son temps en dénonçant souvent avec colère et révolte les rapports de classe qui ne se pensait alors pas tout à fait comme telle. De Valparaiso à Londres, c'est par un tour de France ambitieux qu'elle achève de mettre en place ce qui peut être considéré comme son legs majeur, l'idée d'une union ouvrière destinée à contester l'ordre économique établi et à réclamer davantage de justice et d'égalité, cette dernière devant être, selon elle, universelle ou n'être pas. Née en 1803 et morte en 1844, la relativement brève existence de Flora Tristan fut animée justement par un sentiment d'urgence qui la pousse à proposer des pistes de réformes concrètes et à convaincre un public le plus large possible. En chemin, seule sur la route, c'est donc à cette figure hors norme dans l'histoire de la pensée économique qu'est consacrée l'émission du jour, une émission programmée par Bruno Barada et préparée par Isadora Nebo, ainsi que toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Diane Devancey, Anouk Mignot et Tina Young. Ma grand-mère était une drôle de bonne femme. Elle se nommait Flora Tristan. Proudhon disait qu'elle avait du génie. N'en sachant rien, je me fie à Proudhon. Elle inventa un tas d'histoires socialistes, entre autres l'Union ouvrière. Les ouvriers reconnaissants lui firent dans le cimetière de Bordeaux un monument. Paul Gauguin. Brigitte Krulik, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à Paris-Nanterre et vous avez publié une vaste biographie consacrée à Flora Tristan. C'était publié chez Gallimard. On ne peut pas dire que Flora Tristan soit à proprement parler économiste. Pourtant, elle a marqué, comme je le disais, une forme d'histoire de la pensée économique. Quelle fut la particularité du regard qu'elle porte sur son époque ? Alors, c'est un regard, c'est le regard d'une femme qui est confrontée pour toutes sortes de raisons qui sont à la fois biographiques mais aussi intellectuelles, à ce qu'elle nomme un état social profondément injuste et insupportable. Et elle s'assigne la mission de porter remède à cet état social en proposant une grille de lecture des conditions économiques et sociales de son temps, mais aussi des mesures tout à fait concrètes pour améliorer, elle reprend l'expression de Saint-Simon, le sort de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Voilà, de là à dire qu'elle n'avait pas de temps à perdre avec la théorie, on verra si c'est juste ou non. Jean-Claude Caron, vous êtes historien, professeur émérite à l'université Clermont-Auvergne, vous êtes spécialiste des révolutions qui ont marqué le cours du 19e siècle. Quelle place occupe Flora Tristan dans cette vaste histoire du 19e? En tant qu'historien, il est impossible de faire des recherches sur le 19e sans tomber sur son nom. Alors c'est vrai, mais elle a affaire à une concurrence sévère, si je puis dire, parce qu'elle est entourée de tout un monde très masculin. C'est quand même une chose qu'il faut souligner. Rares sont les femmes qui se mêlent autant d'affaires sociales et économiques à son époque. Même George Sand, par exemple. Elle a en face d'elle, si je puis dire, les pensées des Saint-Simoniens, des Fourieristes, de Proudhon, de Cabet, qui inventent, entre guillemets, le communisme et qui ont peut-être une culture, disons, générale, de type économique, plus profonde qu'elle. On verra peut-être au cours de l'émission qu'elle a un œil social extrêmement aigu, elle voit vraiment les choses. Sa théorie économique est peut-être plus faible que celle, par exemple, des Saint-Simoniens qui ont davantage travaillé la question. Par ailleurs, elle ne le revendiquait pas forcément comme tel, mais pour bien comprendre qui est et surtout d'où parle Flora Tristan, Brigitte Krulik, il faut nous expliquer peut-être un premier paradoxe la concernant. Elle est née donc en avril 1803. Elle est fille de Don Mariano de Tristan y Moscoso, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui est lui-même issu d'une puissante famille espagnole installée dans ce qui est alors la colonie du Pérou. C'est un membre de l'aristocratie. Or, on la retrouve en 1820, à l'âge de 17 ans, ouvrière colorée. Que s'est-il passé entre-temps ? Alors, elle est donc le père est effectivement issu de l'aristocratie créole, mais sa mère est issue de la petite bourgeoisie parisienne. Et le drame, un des drames de l'enfance de Flora Tristan, et on pourrait dire de sa vie, qui explique un certain nombre de choses, c'est que ses parents ne sont pas mariés devant l'état civil et que donc elle est une bâtarde. Et donc, lorsque son père va mourir, Flora a 4 ans, la mère et la fille filles vont se retrouver dans une situation extrêmement précaire. Donc l'enfance et l'adolescence de Flora Tristan vont se dérouler dans des conditions difficiles, donc qui sont celles du petit peuple parisien qui survit tant bien que mal. Elle est mise en apprentissage comme ouvrière coloriste dans un atelier et donc sa mère la poussera à épouser son patron, mariage qui s'avérera absolument calamiteux. Ça, Brigitte Kulik, c'est très important ce mariage-là, parce que ça raconte quelque chose de la condition économique des femmes aussi à cette époque-là, c'est-à-dire que des choix très personnels, des choix intimes comme celui des choix matrimoniaux, est dicté aussi par une forme d'impératif économique, puisque c'est aussi une façon quelque part de s'assurer une forme de confort matériel. Et on voit que la notion de consentement dans ce cas-là n'est pas tout à fait celle qu'on pourrait espérer dans le cas d'un mariage. Oui, alors je sais que ce n'est pas exactement le sujet de l'émission, mais tout se tient, tout est lié. Mais Flora Tristan est vraiment une des premières, et c'est alors là vraiment j'insiste beaucoup sur ce point, à aborder le problème du consentement des femmes, en expliquant, puisque elle aura l'occasion, dans des conditions tragiques, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, de dire que le consentement d'une jeune fille de 17 ans qui est pauvre, qui n'a ni relation familiale, ni ressources, ni éducation, parce que c'est important, je rebondis sur ce que disait mon collègue tout à l'heure, évidemment, les Saint-Simoniens, il y a beaucoup de polytechniciens, ils sont très formés, ils sont très, très, très cultivés, très érudit, Flora Tristan est une autodidacte. Hein. Ça, c'est quand même très important de le souligner. Donc, elle mettra l'accent sur la piètre valeur donc, du consentement de quelqu'un, d'une femme en l'occurrence, qui n'a aucun moyen d'avoir un choix éclairé et à supposer qu'elle puisse faire un choix éclairé, de mettre en pratique le choix éclairé qu'elle pourrait faire. Et puis par ailleurs, je crois que vous dites dans votre ouvrage que sa mère elle-même la pousse à contracter ce mariage-là. On voit bien encore une fois que l'impératif économique prend le dessus sur toute autre forme de considération. Oui, alors les rares sources écrites qu'on a font état par exemple du fait qu'elle est très contente d'épouser son patron parce qu'elle va avoir du bois de chauffage. Ce qui est une raison comme une autre. Voilà, ça. De se marier. Bon, voilà. Jean-Claude Caron, on voit là deux choses importantes. Le fait de travailler très jeune, à 17 ans, le fait de devoir se marier pour subvenir à ses besoins. Ce sont des stratégies qu'on retrouve au début du 19e siècle pour les femmes. Alors, pour les femmes, mais pas que. C'est vrai aussi pour les hommes, parce qu'en fait, le monde du travail est un monde beaucoup plus précoce que de nos jours. Pour information, je rappelle simplement que la première grande loi sociale française date de 1841, donc du vivant de Flora Tristan, et qui interdit d'abord le travail des enfants de moins de 8 ans. Donc ça en dit long malgré tout sur l'état social de la France à ce moment-là, et qui limite ensuite à 8 heures par jour le travail des enfants jusqu'à 12 ans, et puis ensuite à 12 heures par jour jusqu'à 16 ans. Donc il faut aussi comprendre que nous sommes dans un autre monde que le monde actuel, que les lois sociales sont encore rarissimes, et quand il en existe, elles sont très peu appliquées parce qu'il n'y a pas vraiment de corps d'inspecteur du travail à cette époque-là. Ce qui fait que des gens comme Flora Tristan, précisément, qui sont parfaitement au courant parce que venus de ce milieu-là, sont à même de fournir un regard social sur la question qui échappe à pas mal d'autres de ses concurrents dont je parlais tout à l'heure. Quand elle se moque parfois violemment des Saint-Simoniens, voire des fourriéristes, etc., parce qu'ils font de la théorie en chambre, si je puis dire, tandis qu'elle, elle sait ce que c'est parce qu'elle vient du terrain, un peu comme Proudhon, aussi d'une certaine manière, qui vient d'un milieu populaire, fils de tonnelier, elle pense qu'elle sait de quoi elle parle d'une certaine manière. Ça légitime son regard. Absolument. Et a fortiori son regard critique. On va le voir. C'est intéressant que vous mentionniez, l'environnement législatif aussi qui marque cette période-là, parce que ça aussi, ça va avoir une influence sur la vie de Flora Tristan. On a parlé de ce mariage plus ou moins heureux, voire carrément malheureux, on peut le dire. Et il faut le dire, elle va très vite se rendre compte quand même de cette situation-là, sauf que du point de vue de la loi, la femme face au divorce, c'est pour le moins compliqué au début du 19e siècle, Brigitte Kulik. Oui, alors il n'y a pas de divorce déjà. Donc... C'est ça. Il est aboli en 1816. Voilà, alors la législation donc, qui est restée en vigueur, qui est introduite par la Révolution, que Napoléon avait conservée bon, avec des amendements, mais enfin, le divorce est aboli en 1816. Donc il n'y a pas d'issue, et le Code civil donc, donne... consacre, bon, pour aller vite, l'état de minorité de l'épouse, hein, qui est effectivement démunie face à la police et face à la justice si le mari veut s'aviser de faire revenir la brebis égarée au bercail. Ce qui va être le cas de Flora Tristan, puisque enceinte de son troisième enfant, Aline, donc la mère de Gauguin qui a été citée tout à l'heure, elle part, donc c'est en 1824, donc elle est extrêmement jeune encore, et elle va se cacher, elle va vivre de ce qu'on appellerait aujourd'hui des petits boulots, sur lesquels on sait à peu près rien d'ailleurs, quelques très rares confidences qu'elle a pu faire, et donc parce qu'elle sait qu'elle va se cacher en province pendant des années, parce qu'elle sait que le mari a tous les droits pour l'obliger à réintégrer le domicile conjugal. Donc, il y a cette idée de la chaîne conjugale qui est un poids absolument impossible à rompre et qui est une condition extrêmement importante qui va peser sur sa vie et aussi sur son œuvre. Jean-Claude Caron, pour bien comprendre, parce que ça va être un combat qu'elle va mener tout au long de sa vie, et pas forcément par choix, c'est aussi parce que son mari André Chazel va chercher à la récupérer par la force, on peut le dire. Jean-Claude Caron, pour qu'on comprenne bien le contexte, on l'a vu, la loi interdit le divorce. Est-ce qu'on est dans une société particulièrement conservatrice et spécifiquement à l'égard des femmes? Ou est-ce que c'est la suite, on va dire, d'un très long mouvement? Ce que disent aussi les hommes, c'est que l'impossibilité du divorce pénalise les deux dans le couple. C'est-à-dire que ça pénalise aussi les hommes parce qu'ils ne peuvent pas se séparer officiellement de leur conjointe, d'une certaine manière. Au mieux, ils peuvent obtenir ce qu'on appelle, et ce que finira par obtenir Flora Tristan, une séparation de corps. Mais, à cette époque-là, évidemment, l'autonomie financière des femmes en passe par, une réforme des réformes du Code civil que George Sand réclame à corps et à cri. Elle met au second rang les formes politiques en disant le suffrage, très bien, le droit de vote pour les femmes, parfait, mais d'abord, il faut que la femme puisse avoir les moyens de subvenir à sa subsistance, d'être non plus une mineure au point de vue des codes, en quelque sorte, et notamment du code civil, mais être une citoyenne de plein droit. Et ce combat-là, Flora Tristan le mène, mais en même temps et en parallèle avec l'idée que le droit de vote, malgré tout, est aussi quelque chose d'extrêmement important. L'accord entre les deux, femmes, George Sand et Flora Tristan, se détestent cordialement, il faut le dire, pour des tas de raisons, mais elles ne sont pas aussi sur la même, tout à fait la même longueur d'onde au point de vue des réformes qu'elles réclament, ce qui peut expliquer aussi cela. Mais ce que vous évoquez là, à la fois à travers la figure de Flora Tristan, de George Sand et consorts, c'est une forme d'élite intellectuelle, ou en tout cas des gens qui se sont saisis de ces sujets-là. Oui. Comment expliquer, alors même que vous venez de le dire, que tout le monde verrait un intérêt dans le divorce, qu'il y a encore des blocages? Parce que le Code civil consacre la domination de l'homme sur la femme. Et parce qu'on est, de fait, dans une société plutôt conservatrice. Absolument. Absolument. Dans ce cas, on le comprend, pour s'en sortir financièrement, le grand combat de Flora Tristan, ça va être d'accéder à une forme d'indépendance financière, entre autres. Et pour ce faire, elle réclame la part d'héritage qui lui revient de droit, selon elle, en raison de cette figure de bâtarde qu'on a évoquée en début d'émission. Brigitte Krulik, elle va tout de même parvenir à ses fins relativement tôt. Elle adresse une lettre à son oncle qui ne lui reconnaît pas tout à fait le statut d'enfant légitime, mais qui lui alloue quand même une somme, une part de l'héritage de sa grand-mère. Ça lui offre déjà une forme de répit financier. Voilà, c'est ça. Donc elle va, son oncle, donc, qui est un très riche propriétaire d'Arequipa, propriétaire de plantations sucrières notamment, l'oncle est une figure, une sorte de substitut paternel, mais bon, une figure extrêmement ambivalente dans la vie de Flora Tristan. Et donc, elle va décider de s'embarquer, donc, sans même que la famille péruvienne soit au courant, elle va s'embarquer pour Arequipa. Alors, la vie de Flora Tristan, ça, il faut quand même le préciser, c'est un roman feuilleton du 19e siècle. C'est vraiment, il y a des péripéties éminemment romanesques qui attendent le lecteur vraiment à chaque page. Donc, elle s'embarque dans des conditions extrêmement aventureuses, donc, pour le Pérou. Et c'est un voyage qui a, alors d'abord, une finalité, certes, économique et financière, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'elle espère que l'oncle va bien vouloir reconnaître que ses parents étaient mariés religieusement, mais bon, pas de à l'état civil, et donc lui donner sa part d'héritage. Et puis, il y a aussi, comment dirais-je, une quête de reconnaissance. Elle veut être reconnue comme une enfant. Voilà, elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler le clan Tristan, parce que quand on regarde les descriptions qu'elle donne de la société péruvienne, créole, par exemple, on a vraiment l'impression le clan... Oui, ça lui donne une assise. Oui, voilà, c'est ça. Donc, le voyage a plusieurs... en fait, a plusieurs motivations, mais comme vous l'avez dit, donc l'oncle va lui consentir une rente, bon, qui va lui permettre de subsister décemment, mais bon, sans vraiment... 2500 francs par mois. Oui, enfin, c'est vraiment... C'est le minimum. Oui, voilà, c'est modeste, quoi. C'est le statut d'une petite bourgeoisie. Bon, mais évidemment, elle repartira bredouille, donc puisque elle pensait avoir beaucoup plus. Droit, beaucoup plus. Et c'est à la fois une blessure narcissique, c'est une blessure affective, c'est une blessure d'ordre financier aussi, puisque bon, elle voit l'héritage lui échapper. Mais le voyage au Pérou lui aura permis là de, évidemment, des expériences tout à fait passionnante. Alors justement, elle a 30 ans lorsqu'elle embarque en avril à bord du Mexicain, ce fameux navire. Et ce voyage est, comme vous le disiez, l'occasion d'une première prise de conscience vis-à-vis des conditions de vie et de travail des matelots, mais aussi de la population qu'elle rencontre lors d'une escale à La Praia. Mon Dieu, pensais-je, les hommes seraient-ils tous méchants? Ces réflexions bouleversaient mes idées morales et me plongeait dans une noire mélancolie. La défiance, cette réaction des maux que nous avons souffert, ou dont nous avons été témoins, ce fruit âcre de la vie, naissait en moi, et je commençais à craindre que la bonté ne fût pas aussi générale que je l'avais pensé jusqu'alors. En passant devant la maison de ville, nous vîmes des soldats, occupés à battre des nègres par ordre des maîtres auxquels ceux-ci appartenaient. Cette cruauté, dans les usages habituels de cette population, redoubla l'humeur sombre que la scène du consulat m'avait donnée. Arrivée chez Madame Vatrin, je me plaignis à cette dame, qui paraissait si bonne, de tous les actes de barbarie que j'avais vu commettre dans la ville. Elle se mit à sourire et me répondit avec sa douce voix « Je conçois que pour vous, nourrie dans d'autres mœurs, ces coutumes paraissent étranges. Mais vous ne seriez pas ici 8 jours que vous n'y songeriez plus. » Cette sécheresse, cette dureté me révoltait. Il me tardait d'être loin de tout ce monde. Brigitte Krulik, on le disait, ce fameux voyage en tant que tel auprès des matelots, mais aussi grâce aux escales qu'elle fait jusqu'à destination, est l'occasion d'une véritable prise de conscience pour Flora Tristan. Voilà, c'est une prise de conscience. Donc, elle découvre des visus lors de l'escale du Cap-Vert, donc ce qu'est la réalité de l'esclavage qui perdure. Alors, même si le Congrès de Vienne a aboli la traite, bon, il y a effectivement des évolutions qui sont en cours, mais de fait, il y a des esclaves qui sont traités de manière épouvantable. Elle verra d'ailleurs des situations analogues au Pérou. Et alors, par ailleurs, elle observe, alors on a parlé tout à l'heure donc, de ce regard aigu que pose Flora Tristan sur le monde, sur les conditions sociales, les relations de force. Et on voit très bien comment elle met à profit donc cette longue traversée de 3 mois pour discuter avec les personnes donc qui sont en gros des négociants, enfin des marins, pour discuter de sujets, alors qu'ils sont des sujets politiques, qu'ils sont des sujets économiques, qu'ils sont des sujets sociétaux. Elle observe aussi les conditions de vie des matelots. Elle essaye déjà d'imaginer comment le ministère de la Marine pourrait mettre en place des règlements permettant aux matelots d'être mieux équipés pour affronter donc les conditions très dures des traversées transatlantiques. Donc le terme est de Michel Perrault, l'enquêtrice sociale qui est en devenir, qui est en train d'apparaître sur le bateau. Mais d'où ça lui vient ? Parce qu'on pourrait se dire qu'elle fait son voyage pour aller rejoindre sa famille et essayer d'obtenir ce qu'elle cherche à obtenir. Mais non, il y a quand même une visée très sociale dès le départ. D'où ça lui vient, cette idée de noter et tout de suite de proposer des solutions, puisque vous le dites, elle s'adresse au pouvoir grand public. Quand vous dites noter, c'est apprendre effectivement au sens propre et au sens figuré, parce qu'elle explique qu'elle a toujours un calepin et que voilà, elle prend des notes. Bon, elle se documente le plus possible. Mais elle donne elle-même une réponse à votre question au début des pérégrinations d'une paria. Elle explique que c'est son sort malheureux qui lui a été imparti à la naissance, qui l'a sensibilisée. Elle va donc arriver. Jean-Claude Caron, oui, excusez-moi. Juste pour dire aussi qu'elle a une idée derrière la tête qui est aussi de vivre un peu de sa plume. C'est quelqu'un aussi qui envisage aussi de publier. Et quand elle publie Les Pérégrinations d'une paria, c'est un ouvrage très écrit. C'est pas seulement un simple récit de voyage, etc. C'est vraiment un ouvrage très écrit dans lequel elle se mesure à d'autres récits de voyage. Donc elle entend faire savoir ce qu'elle a fait. Il faut quand même imaginer, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, la seule femme dans un bateau avec des hommes qui sont, on va le dire pudiquement, assez rustiques quand même pour certains. C'est vrai des matelots, mais les marchands et les commerçants qui sont dans le bateau sont d'une certaine manière tout aussi rustiques. Donc une femme seule dans ce bateau qui va heureusement profiter de, on peut dire, la protection du capitaine, qui est amoureux d'elle en plus, mais bon, elle ne cédera pas à ses avances. Voilà. C'est aussi quelqu'un, et ça il faudrait aussi le dire, qui a des préjugés. Parce qu'on parlait tout à l'heure de sa dénonciation de l'esclavage quand elle arrive aux îles du Cap-Vert. Mais enfin, elle décrit quand même, je la cite, là, c'est pas moi qui parle, hein, l'odeur de nègre qui soulève le cœur. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui demeure. Elle est parfois assez brutale, assez, elle possède certains préjugés de l'époque qu'elle n'a pas complètement abandonnés d'une certaine façon. Et ce qui, par ailleurs, Jean-Claude Caron amène à une autre question. Elle va finir par arriver au Pérou. Elle va là encore vouloir décrire toutes les inégalités et toute la violence qu'elle voit aussi au sein de cette société-là. Mais il ne faut pas oublier qu'au Pérou, on l'a dit, elle vient d'une famille aristocratique. Est-ce que ce n'est pas une forme de biais également ? C'est un des biais. Alors, après, elle prend des notes, elle écrit, etc. Entre ce qu'elle a vécu et ce qu'elle raconte, il faudrait aussi imaginer peut-être qu'il y a une légère transformation de la réalité. Parce qu'elle écrit pour un lectorat. Je suis persuadé que dans ce livre-là, elle écrit pour un lectorat qui n'est pas un lectorat ouvrier, qui est un lectorat bourgeois, capable d'acheter ce livre et d'avoir le temps de le lire. Donc là, vraiment, elle fait, je dirais, une œuvre littéraire. Pour moi, c'est un des plus beaux récits de voyage qui existent. C'est vraiment une œuvre littéraire. Et à l'époque, ce genre de récit de pérégrination est plébiscité du public. C'est un genre qui est... C'est un genre, oui. C'est un genre, effectivement, qui a... Tout le monde ne va pas au Pérou en partant de Bordeaux et en faisant un voyage qui l'amène jusqu'au Cap Horn pour remonter le long de la Corrière des Andes et arriver au Pérou. Enfin, c'est absolument extravagant dans l'esprit du temps. Donc elle sait ce qu'elle fait. Vous nous le dites bien, Jean-Claude Caron, Brigitte Krulik, vous souscrivez Totalement, oui, bien sûr. Alors bon, d'une part, le caractère à proprement parler extraordinaire de ce qu'on pourra appeler une épopée, lorsqu'elle franchit les Andes à dos de mule, en petite robe de soie, comme elle le décrit avec beaucoup d'humour. Une quantité de péripéties absolument incroyables. Et effectivement, alors, Les Pérégrinations d'une paria, donc c'est une œuvre qui est très écrite. On voit que cette autodidacte, comme elle se présente, a en fait beaucoup lu. Elle maîtrise très très bien la littérature de voyage. On voit qu'elle a lu Bernardin de Saint-Pierre, qu'elle connaît bien la littérature romantique. Enfin, il y a vraiment des passages très très écrits. Elle publie quand elle rentre en France. Bon, là, j'anticipe un peu. Elle publie des extraits des pérégrinations d'une paria. Dans des revues, pour la parce presse, qu'elle sait que c'est comme ça qu'elle va prendre pied, bien avant la publication de l'ensemble du manuscrit, elle va prendre pied sur la scène littéraire. Et tout à fait. Et probablement, c'est aussi une source de revenus un peu plus régulière de le publier sous forme de chronique que d'ouvrage. Mais cela dit, je suis un peu intriguée par le fait que vous évoquiez le fait qu'elle ait beaucoup lu. Elle dit pourtant qu'elle n'a pas reçu d'éducation ni de formation professionnelle, ce qui l'a beaucoup handicapé aussi dans sa recherche d'emploi, notamment en province, quand elle se cachait de son mari. Quand est-ce qu'elle a eu le temps et l'accès à cette littérature ? Alors, on a très très peu d'éléments sur les années de formation, au sens large, de Flora Tristan. Vraiment, là, il y a une absence de source, qui pose effectivement, donc il faut s'accommoder, on ne peut pas l'inventer. On n'a que les très très rares confidences qu'elle a pu faire, notamment lors de son procès, enfin, lors du procès d'assises, donc, de son mari. Donc, on peut supposer qu'elle a mis à profit les années d'errance en province pour lire, parce que on la retrouve effectivement en 1833, 34, 35. On voit qu'elle a déjà beaucoup lu. Mais là encore, on n'a pas de documents précis, on n'a même pas de correspondance, on n'a pas d'éléments factuels qui nous permettent donc d'étayer le propos. Mais alors, elle a effectivement beaucoup lu, alors beaucoup de littérature. Bon, là à l'époque du Pérou, c'est effectivement plutôt de la littérature. C'est à son retour que elle commencera à lire là des écrits plus théoriques, les Saint-Simoniens, les Fourieristes, etc. On va tout à fait y venir. Juste un dernier moment sur ce voyage au Pérou. Brigitte Krulik, on l'a dit, Flora Tristan est marquée par les inégalités sociales très fortes. Il faut dire que le Pérou, à cette époque-là, était divisé, alors non seulement en classe sociale très marquée, mais aussi en fonction de critères raciaux. C'est aussi ça qui choque Flora Tristan. Oui, alors ça, elle l'évoque de manière extrêmement nette. Alors, parfois, effectivement, je reprends tout à fait ce que vient de dire Jean-Claude Caron, donc sur les préjugés, une vision anthropologique qui n'est pas la nôtre, hein, et qui même nous heurte. Elle décrit, par exemple, les rites du carnaval, des processions religieuses, bon, d'une manière qui peut paraître aujourd'hui extrêmement, enfin, vous dites oui, préjugé, oui, mais enfin, qui peut paraître très, très choquante. Alors, elle a bien conscience que, effectivement, les hiérarchies au Pérou s'organisent effectivement en fonction du niveau de revenus et aussi de, bon, de, mais peut-être surtout encore de critères ethniques, hein, avec le pur sang espagnol. D'ailleurs, elle-même est très fière d'être de pur sang espagnol, hein, elle reprend plusieurs fois l'expression. Et puis, bon, il y a toute une hiérarchie en fonction, donc, bien sûr, de critères ethniques. Et ça, elle le souligne très, très nettement. Il faudrait préciser aussi que l'oncle Pio, qui est donc un très grand propriétaire donc de plantations sucrières, manifestement profite lui aussi de l'économie esclavagiste. D'ailleurs, il y a des esclaves, alors ce qu'on appelle les esclaves domestiques, hein, donc dans la maison d'Arequipa. Flora se voit attribuer une petite esclave pour son service personnel. Donc voilà, il y a une forme d'ambivalence. Il y a une forme d'ambivalence, clairement. Flora Tristan part en juillet 1834 de Lima, donc elle fait chou blanc, vous l'avez dit, elle n'obtient pas gain de cause auprès de son oncle en termes de ressources financières. On a parlé de ses récits de voyage, mais elle va publier une autre forme de littérature l'année suivante, en 1835, qui est une forme de brochure intitulée « Nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères ». Alors Brigitte Krulik, il faut nous expliquer quelle est cette figure de la femme étrangère. Alors, la femme étrangère, c'est un sens qui n'est pas, enfin, exactement le nôtre, enfin, celui que nous comprenons spontanément. C'est toute personne qui n'est pas, il n'y a pas de référence à une nationalité, hein. Je veux dire, c'est une personne qui n'est pas du lieu où elle évolue. Alors, on peut imaginer que là encore, cette femme étrangère, elle parle d'expérience. Alors, c'est un texte extrêmement intéressant. Alors, là encore, il y a une visée, bien précise. Elle espère se faire un nom, elle espère se faire reconnaître. C'est une brochure, d'ailleurs. Voilà, c'est une brochure. Donc, on a à la fois des aspects, des considérations un peu, on va dire, générales plutôt que théoriques, mais aussi des, ce qu'on pourrait presque appeler des recettes pratiques. Et donc, c'est un texte qui est très intéressant parce qu'il pose le problème, alors qu'à mon sens, avec une acuité étonnante, et alors là, pour le coup, intempestive dans son époque, au sens de inactuel, c'est-à-dire elle fait figure de précurseur, le problème de l'évolution des femmes dans l'espace public. Alors, elle explique que une femme étrangère, c'est par exemple une provinciale qui vient à Paris pour affaires ou pour tout, peu importe la raison, va se sentir malvenue dans un hôtel, quand elle va entrer dans une banque ou dans un musée, on va lui faire sentir qu'elle est seule, c'est-à-dire qu'elle n'est pas accompagnée par un homme. Et donc il y a tout le problème. Alors d'une part, on retrouve en filigrane le problème du consentement, mais aussi le problème donc de la liberté de mouvement des femmes dans l'espace public. Et ça, c'est effectivement très, très, très, très intéressant. Alors, elle propose différentes des sortes d'hôtels où les femmes seraient ce qu'on appellerait aujourd'hui safe place. Bon, j'ose l'anachronisme, mais bon, c'est un peu ça. Elles seraient entre elles et là, du coup, personne ne les importunerait. Jean-Claude Caron, il faut aussi remettre dans son contexte la publication de cet ouvrage, on le disait, en 1835. À ce moment-là, les conséquences de la révolution industrielle se font déjà sentir. Il y a des mouvements de population qui sont liés aux faillites de structures économiques de taille réduite dans les zones rurales, ce qui va conduire aussi à une forme de misère sociale au sein des villes. Tout cela, Flora Tristan le voit également. Alors, ce qui est intéressant avec la pensée économique de Flora Tristan, il y a ce qu'elle voit et il y a ce qu'elle ne voit pas. Donc, ce qu'elle voit, effectivement, c'est plutôt le monde urbain. Je rappelle quand même qu'elle évolue dans un pays qui à 75% est rural. Soit on vit et où on travaille dans les campagnes. C'est pas forcément être paysan. Il peut y avoir d'autres activités, mais on vit à 75% dans les campagnes. Ce monde-là, à ma connaissance, mais Brigitte Krulik me rectifiera si jamais je me trompe, ça n'est pas du tout son domaine. Elle, c'est le domaine des villes. Et j'insiste quand je dis le domaine des villes parce que il y a une surreprésentation à l'époque des ouvriers qu'on appelle d'ateliers, c'est-à-dire des artisans, si on veut le dire vite, des gens de métier, des gens qui sont d'abord apprentis, puis compagnon et éventuellement maître, mais à ma connaissance également, elle passe à côté des grandes manufactures, des grandes usines qu'on peut trouver, textiles par exemple dans le Nord, en Alsace, en Normandie, et puis la métallurgie naissante avec le chemin de fer qui se développe avec la grande loi de 1842. Donc ça n'est pas vraiment non plus son domaine. C'est pas complètement une exception. Parce que pas mal de réformateurs sociaux se focalisent également, comme Proudhon par exemple, se focalisent sur ces ouvriers qualifiés, dont il se veut Proudhon le grand défenseur, et passent un peu à côté du reste. Elle, c'est son cas. Mais est-ce que, à travers ce biais-là, finalement, il n'y a pas l'idée que ces ouvriers sont une force politique facilement mobilisable puisqu'ils sont relativement concentrés? Donc c'est la raison pour laquelle les réformateurs portent leur attention sur eux. Et déjà organisés. Parce que même si le droit d'association reste strictement réglementé, ils arrivent plus ou moins à le contourner par des formes de compagnonnage, par des formes de mutualisme que les autorités tolèrent, on va dire. Ils sont pas dupes, ils savent que parfois on peut parler un peu de politique, mais au fond, ils préfèrent avoir ça d'abord parce qu'ils y ont leur entrée et qu'ils peuvent surveiller par ce biais-là ces ouvriers si jamais ils tenaient des propos jugés, illégaux, d'une certaine façon. Donc, effectivement, les villes, tout le monde se jette, c'est-à-dire les réformateurs sociaux sur les villes, parce que on a un semblant de début de classe ouvrière. En tout cas, on veut s'imaginer qu'il y a déjà une forme de classe ouvrière. Mais évidemment, l'erreur serait de considérer que c'est classe ouvrière et au sens marxiste du terme. Ça n'est pas du tout ça. Brigitte Krulik, il faut rentrer dans le détail de ce que représentent politiquement ces ouvriers et quelle liberté leur est accordée en termes de droits d'association et de grève, notamment, qui est, on l'a dit, extrêmement restreint. Voilà, alors bon, c'est Jean-Claude Caron vient d'expliquer effectivement là clairement les choses. Alors, bien entendu, c'est effectivement ce milieu urbain et d'ailleurs grande ville. Hein, quand on parlera du Tour de France, on verra bien comment Flora Tristan bâtit sa réflexion sur une polarisation entre Lyon, hein, qui est pour elle le cœur battant des insurrections, la ville, moteur, voilà, du progrès, enfin de la conscience, de ce qu'on appellerait la conscience sociale. Alors, on n'emploie pas le terme, mais bon, on pourrait l'appeler comme ça. Et puis ces petites villes pour lesquelles elle a des mots assez méprisants, disons-le. Oui, alors c'est clairement un milieu donc urbain de grandes villes pour des raisons. D'abord, pourquoi ce milieu est effectivement beaucoup plus sensible aux messages, si on peut dire, donc ce qu'on appelle les réformateurs modernes à l'époque. Ben déjà, ils sont assez largement alphabétisés. Le prolétariat dont vous parliez, alors qui commence à se former dans les années plutôt 1840 d'ailleurs, donc effectivement dans le nord, dans l'est. Il vit dans des conditions extrêmement misérables. Il est incapables, très souvent analphabètes. Hein. On a des chiffres, alors là, bon, absolument accablants. Ils survivent dans des conditions, alors plus que précaires, et donc évidemment la notion de d'organisation, de bon, de mobilisation politique et sociale est totalement, totalement décalée par rapport à leurs besoins et par rapport à leurs conditions de vie. Donc, Flora Tristan bâtit effectivement sa réflexion. Ça, je pense qu'on peut le dire sans trop. Enfin, vraiment, on peut le dire nettement, c'est vraiment ce milieu d'artisans qui ont quand même déjà une forme de conscience politique. Alors, votre question portait sur ce qui existe à l'époque. Alors, Jean-Claude Caron vient de répondre, c'est une zone grise, c'est-à-dire que bon, il y a une loi de 1834 qui interdit les associations de plus de 20 personnes. Et puis il y a la loi Le Chapelier de 1791, voilà, de 1791 qui interdit voilà. ce qu'on appelle la coalition. Voilà, en les fait, coalitions. C'est le droit de grève, pour dire les choses clairement. Parce que pour faire grève, il faut se coaliser. Donc ça, c'est interdit. Voilà, c'est les corps intermédiaires qui sont censés entraver la volonté générale. Là, on est dans le modèle, dans la matrice rousseauiste interprétée par les révolutionnaires. Et donc ça reste extrêmement prégnant. Il ne faut pas oublier que tout cela aussi se conjugue avec le libéralisme économique. Ça hein. veut dire la place ça, de l'État quand effectivement, même. Ça, je crois que c'est un point extrêmement important. Donc la coalition, bien entendu, entrave, enfin, est censée entraver donc, la liberté du travail, le droit de propriété, etc. etc. Donc elle travaille, si on peut dire, elle réfléchit sur un terrain qui est a priori extrêmement difficile parce que il y a une zone grise, c'est-à-dire c'est pas vrai, tout n'est pas absolument interdit, mais effectivement sous couvert de secours mutuels, les ouvriers arrivent plus ou moins à se réunir, mais il faut savoir qu'ils sont, enfin, il y a pas de possibilité de coalition. Jean-Claude Caron, pour compléter cet aperçu global, on a commencé à évoquer le libéralisme. Il faut peut-être rentrer un peu plus en détail. On est d'accord que la doctrine qui prévaut à l'époque, c'est vraiment de laisser la libre, libre entreprise. Les contrats de travail se conçoivent en dehors du regard de l'État qui n'a pas à intervenir là-dedans. Alors, la révolution de 1830, les Trois Glorieuses, ont été peut-être de manière un peu caricaturale, mais c'est Stendhal qui parle, c'est pas moi. Stendhal dit... Avec la révolution de 1830, la banque est au sommet de l'État. Bon, il se base sur des éléments concrets, à savoir que les premiers présidents du Conseil s'appellent Jacques Lafitte, grande puissance du moment, et puis le suivant sera Casimir Perier, grande puissance bancaire également du moment. Quant à la famille Rothschild, elle est très implantée en cours, et elle viendra au secours de l'État, elle investira beaucoup, elle achètera des obligations, enfin, etc., etc. Donc, il y a cet aspect-là qui, d'ailleurs, va nourrir la réflexion des réformateurs sociaux. Tous ces libéraux sont des grands lecteurs de littérature anglaise économique. Ils ont tous lu Adam Smith, ils ont tous lu Ricardo et d'autres. Et donc c'est à partir de ça qu'ils partent de leur réflexion en quelque sorte. La libre entreprise, on a tout dit. La libre entreprise, c'est-à-dire pas de frein, pas de limite. Sauf que on est aussi capable de faire appel à l'État quand on a besoin de lui. Quand on veut par exemple, et c'est donnant-donnant, quand l'État veut construire des chemins de fer, on va voter une loi qui est une loi de partage. À l'État, la construction des infrastructures, au privé, l'exploitation des lignes. Et c'est sur cette base-là que c'est le toit de 1842, qui est donc une espèce de mi-parti, en quelque sorte, entre un libéralisme de stricte obédience et une forme d'intervention de l'État de l'autre, hein, qu'on va développer le chemin de fer en France. Vous venez d'évoquer, et on l'a fait plusieurs fois depuis le début de l'émission, la figure de ces fameux réformateurs sociaux. Alors, c'est des noms qui sont connus. Il y a évidemment Saint-Simon, puis ses disciples, Fourier, des Owen également, qui plaident pour octroyer davantage de droits aux individus. Ça, ce sont des idées qui vont parler à Flora Tristan. Elle va se les approprier également. Alors, on sait quand même dans l'Union ouvrière, parce qu'elle fait référence, qu'elle a lu Leroux, qu'elle a lu Louis Blanc, qu'elle a lu Enfantin, qui est le successeur, on peut dire, enfin l'une des branches qui succède à Saint-Simon, etc., et considérant, pour lequel elle a pas mal d'estime, qui est le successeur de Charles Fourier. Elle les a tous lus, il en a qu'elle rejette plus ou moins, d'autres qu'elle accepte plus ou moins. Elle, ce qu'elle veut promouvoir malgré tout, c'est quelque chose dont elle se pense être la seule dépositrice, à savoir une union ouvrière qui dépasse les clivages de métier. Elle dit, voilà, c'est pas, on va pas s'allier entre, je sais pas, forgerons, lainiers, soyeux, etc. Il faut que tous les ouvriers forment une seule union ouvrière. Après, moi, je n'ai pas trouvé de référence à des choses, à des penseurs auxquels je me dis qu'elle aurait pu faire référence également. Elle fait référence à Cabet et au communisme. Elle l'écarte. Elle l'écarte parce que elle dit « je ne suis pas contre la propriété, mais je suis contre les propriétaires ». C'est-à-dire quand ils abusent et que la propriété est trop importante, je suis contre. Mais plus étonnant pour moi, je n'ai pas trouvé beaucoup de références à Proudhon dans ses textes. Et alors, je n'en ai trouvé aucune, par contre, à Lamennais. Et Lamennais, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est un socialiste chrétien, chrétien socialiste, qui a écrit des choses qui vraiment vont dans le même esprit de Flora Tristan. Je cite juste une petite citation. Il a écrit un livre en 1839, donc vraiment on est loin, de l'esclavage moderne, qui se termine comme ça. « Peuple, peuple, réveille-toi enfin. Esclave, levez-vous, rompez vos fers. Et pour cela, il faut développer l'association, l'union, obtenir le droit de citer. » Donc, elle aurait pu se retrouver chez Lamennais, pour des raisons que j'ignore, elle ne le cite pas. On ne les retrouve pas. Brigitte Krulik, sur cette influence de tous ces hommes et la volonté que vous évoquiez tout à l'heure de Flora Tristan de s'ériger en autodidacte aussi. Voilà. Alors, Lamennais, effectivement, hein, oui, là, c'est étonnant parce que elle est proche d'une certaine manière de ce qu'on appelle la mouvance, le crise des barricades. Il faut le dire, la dimension chrétienne est très, très forte. Voilà. Elle est très anticléricale, mais elle est religieuse et elle insiste sur le fait que le message de Jésus-Christ est un message qui est toujours, qui inspire au sens le plus fort du terme religieux son action. Alors, je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière. Donc, vous citiez Stendhal, moi je citerai Jean-Baptiste C. Pour montrer à quel point la tâche des réformateurs modernes et de Flora Tristan est une tâche extrêmement difficile. Jean-Baptiste C. était donc représentant très bien la mouvance libérale, disait que fustigeait l'idée d'un système d'assistance pour la classe laborieuse en disant que ça reviendrait à obliger la frange la plus aisée de la propriété de la société, ça reviendrait à les obliger à financer l'entretien donc des plus démunis et que donc ça les encouragerait, je cite, à la paresse et à la prolifération démographique. Donc, on part de très loin. Ça permet quand même de situer. Alors, sinon, sur cette. Ce que j'aurais presque. Enfin, non, posture n'est pas le terme. Mais sur l'attitude, donc, de. Enfin, le statut d'autodidacte revendiqué de Flora Tristan. Donc, elle parle d'égal à égal avec tous ces gens. Quand elle rentre du Pérou, elle s'adresse à Fourier, elle s'adresse à Victor Considérant, effectivement, avec qui elle aura toujours d'assez bonnes relations, il faut bien le dire. Et elle leur parle d'égal à égal en disant moi qui n'ai pas fait d'études très approfondies, je vous somme d'écrire de manière lisible. Et alors elle écrit par exemple pour lire Fourier, il faut avoir fait l'école normale supérieure, il faut avoir fait 10 ans d'astronomie, de mathématiques, etc. Elle assimile sa cause de femme autodidacte, en fait, à celle des prolétaires qui, eux, par définition, n'ont pas fait toutes ces brillantes études et sont démunis. Donc, on reviendra à ça parce que ça, c'est un fil conducteur de sa pensée. L'idée que c'est très bien de ratiociner et d'élaborer de belles théories, mais encore faut-il parer à l'urgence. Et elle a ce sentiment extrêmement prégnant, on pourrait presque dire angoissant pour elle, de l'urgence sociale. Ça ne va pas assez vite pour elle. On ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre. Mais Brigitte Krulik, il faut quand même nous expliquer un autre paradoxe de Flora Tristan. Elle a certes ce voyage au Pérou, elle a certes publié des récits de ce voyage dans certains journaux, mais qui l'écoute au moment de la publication de sa brochure? Vous dites qu'elle parle d'égal à égal, mais qui l'écoute vraiment et quelle légitimité elle a dans ses cercles? Alors, elle fréquente de manière assez enfin régulière, assidue, donc à la fois des cercles alors, que j'appelle féministes entre guillemets parce que le terme n'existe pas à l'époque, mais des réseaux de femmes. Voilà, des réseaux de femmes qui plaident pour, disons, les droits civils, hein, éventuellement aussi les droits politiques, mais surtout les droits civils. Elle fréquente donc les cercles fourriéristes. Alors c'est un monde assez restreint, hein, c'est un petit tout Paris intellectuel, donc qui s'articule surtout autour de revues. Hein, parti politique n'existe pas. Donc c'est vraiment le monde des revues. Mais elle arrive quand même. Elle va publier en 1838 Les Pérégrinations de. Enfin, ça sort fin 1837. Voilà, Les Pérégrinations d'une paria. Elle se fait connaître. Et alors, elle signe des pétitions, ça on peut aussi le signaler. Alors ça aussi, c'est la signature de pétition, c'est un mode d'action, dans un contexte politique, effectivement, répressif, il faut le dire. C'est un recours, pour le rétablissement du divorce, pour l'abolition de la peine de mort. Elle s'engage aussi auprès des abolitionnistes, pour l'abolition de l'esclavage. Donc, elle se crée quand même une notoriété qui va, alors évidemment, exploser avec le procès d'assises. Alors, on va voir que Flora Tristan continue à s'imposer aussi dans ses cercles intellectuels. Elle le fait encore une fois grâce à des voyages, notamment celui en Angleterre dont on va parler. Mais avant cela, ce sont les voix du collectif Flora Tristan qui s'élèvent dans cet enregistrement daté de 1978. Siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Oli oli olà, e la donna si sveglierà, e noi altre femministe, e noi altre femministe. Oli oli olà, e la donna si sveglierà. E noi altre femministe vogliamo la libertà. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amore della vita, per amore della vita. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amore della vita, in guerra ci mettiamo. Vous êtes bien à l'écoute de France Culture, nous voyageons et luttons aujourd'hui avec Flora Tristan en compagnie de deux invités, l'historien Jean-Claude Caron et Brigitte Krulik, professeure à l'Université de Paris-Nanterre, une émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en ondes par Grégory Wallon. Rien de plus terrible, de plus majestueux que ces bouches vomissant des flammes. Rien de plus magique que cette cave soudainement éclairée par les charbons ardents qui se précipitaient comme du haut d'un rocher les flots de la cataracte et comme eux s'engouffrent dans l'abîme. Rien de plus effrayant que la vue des chauffeurs qui ruissellent, de même que s'ils sortaient de l'eau, et sont éclairés devant et derrière par ces horribles brasiers dont les langues de feu paraissent s'avancer sur eux comme pour les dévorer. Je ne distinguais plus les bouches des fours qu'à travers ce nuage qui rendait les flammes plus rouges, les lames de feu plus effrayantes, les corps des chauffeurs, de blanc qu'ils étaient, devinrent noirs. Et ces infortunés, qu'on aurait pris pour des diables, se confondirent dans ce chaos infernal. » Flora Tristan poursuit sa mission de voyageuse consciencieuse. Elle se rend à plusieurs reprises en Angleterre. Alors pour la première fois, c'était en 1826, puis en 1831, 35, 39. C'est peut-être le voyage de 1839 qui va être le plus déterminant. Brigitte Krulik, elle s'y rend alors en assumant pleinement son rôle d'enquêtrice sociale, comme on l'entend dans cet extrait de ses promenades dans l'ombre, dans Londres, publié en 1840. Elle sait qu'elle va là encore pouvoir aussi tirer un livre de ses découvertes. Voilà, elle y va pour réunir les matériaux pour un livre. Hein. Et donc le titre « Promenade dans Londres » pourrait faire penser à un récit de voyage stendhalien. Ce n'est absolument pas le cas. C'est effectivement un réquisitoire extrêmement dur contre les conditions de vie de la classe ouvrière, enfin des prolétaires, j'emploie le terme. Donc dans le Londres victorien, hein, on est dans les débuts du règne de Victoria, avec des accents qu'on pourrait dire proches de Dickens, hein, absolument tout à fait remarquable. C'est un très beau texte, hein, je voudrais dire, vraiment avec des passages on a eu là, une description donc de tout à fait saisissante. Et donc, son but est de mettre en garde la classe ouvrière française sur le thème « Les Anglais ont fait la révolution industrielle un peu avant nous, voyez où ils en sont, c'est catastrophique, et donc, il n'est que temps de réagir, un avertissement. C'est un avertissement, exactement, c'est un réquisitoire, c'est un avertissement, parce que elle a toujours ce but, donc, qui est de alerter. Jean-Claude Caron, se rendre à Londres à cette époque-là, c'est un voyage que beaucoup ont fait et qui effectivement permet de se rendre compte dans quel sens va le progrès. Tout le monde va à Londres. Évidemment, quand je dis tout le monde, vous aurez bien compris que ce sont tous ceux qui se piquent, évidemment, de comprendre l'évolution du monde dans lequel ils vivent. Londres, c'est la capitale de la première puissance économique, financière, industrielle, donc il faut y aller. Tocqueville y va, et tout le monde y va pour essayer de comprendre. Alors, dépasser Londres, c'est plus compliqué. Je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs, dans les promenades dans Londres, Flora Tristan fait référence à un voyage en dehors de Londres, peut-être vers Birmingham ou dans une zone industrielle, disons, de l'Angleterre noire, comme on dit. Oui. Mais enfin, c'est un petit peu en plus, j'allais dire, c'est vraiment centré sur Londres. C'est un livre qui est très construit, très analytique, très documenté et qui, évidemment, là encore, s'adresse plutôt à un public relativement cultivé. Ça n'est pas pour tout le monde qu'elle écrit, si je puis dire, dans ce livre. Et surtout, à mes yeux en tout cas, c'est le livre le plus économiste qu'elle écrit, parce qu'il y a quand même une réflexion qu'on ne trouve pas à ma connaissance ailleurs sur les conditions, les critères de domination économique d'un pays. Et elle le dit clairement, c'est par les traités de commerce que l'Angleterre réussit à dominer le monde, grâce à sa puissance financière et industrielle, et donc à essayer de détruire l'économie des rivaux, et donc la production. Et ça, évidemment, c'est plus qu'un clin d'œil. C'est un avertissement qu'elle dit aux industriels français, d'ailleurs, eux-mêmes. Si vous ne faites rien, vous allez finir par être entièrement dévoré par la production britannique, qui est beaucoup moins chère. Et donc, les produits sont beaucoup plus abordables et vont envahir le pays. Alors, heureusement, si je puis dire, à l'époque, il y a des frontières douanières, mais qui vont ne durer qu'un certain temps, puisqu'on sait que c'est un ancien Saint-Simonien, justement, Michel Chevalier, qui sera à l'origine du traité de libre-échange de 1860, donc une vingtaine d'années plus tard. C'est quand même intéressant, effectivement, Jean-Claude Caron, qu'elle ne se contente pas de décrire, ne serait-ce que les effets de ces barrières douanières. Elle propose de nouvelles choses, elle le dit, uniformiser les taxes douanières et les appliquer aux biens et produits de toute nature, permettant une forme d'équité entre les nations. Elle a une vision, quand même, presque macroéconomique, on pourrait dire. Voilà. Je pense, mais là encore, c'est sous réserve, hein, je pense que c'est le texte où elle aborde le plus la dimension économique, hein, de sa pensée, tout en ayant toujours un regard très social. Les descriptions qu'elle fait du quartier des Irlandais sont absolument épouvantables et époustouflantes, l'un n'empêche pas l'autre. Le quartier juif également, du côté de Whitechapel à Londres, est très intéressant ce qu'elle dit. Et il y a un passage, mais absolument enfin, c'est ignoble ce qu'elle raconte, hein, c'est pas elle qui l'est, mais ce qu'elle raconte sur les maisons de prostitution à Londres. là, vraiment, je veux dire, c'est absolument saisissant, quoi. Donc, il y a toujours cet œil social. Brigitte Krulik, je voulais insister sur un point avec vous, sur cette dimension presque macroéconomique, entre guillemets, parce qu'elle va en justifier, elle va justifier de la portée universelle de son ouvrage en disant, regardez, j'ai analysé tous les aspects des relations économiques avec l'Angleterre. Elle en justifie auprès du ministre de l'Instruction publique, Villemain, afin d'obtenir une pension. C'est aussi une façon de légitimer sa pensée que de comprendre tous les mécanismes économiques. Tout à fait. Alors, effectivement, Promenade dans Londres, c'est un livre qui est truffé de notes de bas de page. Elle cite énormément de traités. Alors, c'est une lecture qui ne s'adresse pas à un public d'ouvriers, c'est assez clair. Alors, effectivement, je voudrais aussi revenir sur ce que vient de dire mon collègue. Elle s'oblige à aller dans les bordels pour voir de ses propres yeux ce qu'il faut voir, pour pouvoir après dénoncer les conditions de domination de la prostitution, qu'elle aborde aussi en termes donc de domination économique. Donc ce sont des textes extrêmement forts. Alors sur le libre-échange, je voudrais aussi là aussi insister, parce que c'est vrai que c'est pas a priori, quand on pense à Flora Tristan, on pense pas nécessairement au libre-échange. C'est un sujet sur lequel elle s'est documentée lorsqu'elle était au Pérou. Elle a eu l'occasion de voir que il y avait effectivement des clivages très importants entre, d'un côté, bon, le Pérou de l'époque était indépendant depuis peu, mais il y avait donc des clivages entre les conservateurs qui, eux, étaient protectionnistes et les libéraux qui étaient, libre-échangistes, le Nord et le Sud. Donc c'est un sujet qui lui tient à cœur et sur lequel elle a quand même écrit à la fois dans les Pérégrinations et dans les Promenades dans Londres. Ça me paraît quand même important de le signaler. Et vous avez raison, Jean-Claude Caron, nous approchons de la fin de cette émission, donc je fais quelques bonds dans le temps, mais ce qu'il y a aussi dans ce récit de Londres, c'est une forme de colère, enfin, pour en avoir lu certains extraits, je trouve qu'il y a une forme de colère assez engagée qui en ressort, et on a l'impression qu'après cela, plus rien ne sera pareil, et que c'est à partir de là qu'elle voit aussi, dans la classe ouvrière, une force politique à mobiliser, une force en colère, dont il s'agit de faire quelque chose, et c'est peut-être là les fondements de la fameuse Union ouvrière. Oui, puisque les promenades dans Londres, c'est 1840, et on voit que ça va précéder d'assez peu de temps son projet de tour de France, en quelque sorte, qui n'ira pas jusqu'à son terme comme on sait, mais où elle va essayer précisément, là aussi, dans cette promenade en France, en quelque sorte, de collecter un maximum d'informations. Simplement, on n'aura jamais la version définitive de son texte, puisqu'il est resté à l'état de note, en quelque sorte, ce qui d'ailleurs est encore un avantage certain par rapport à ce qu'elle pense réellement. Mais ça, c'est encore autre chose. Brigitte Krulik, sur l'Union ouvrière, de quoi s'agit-il précisément ? D'un texte, d'une association, presque d'un mouvement politique ? C'est presque c'est tout ça à la fois. Voilà. Alors, en tout cas, c'est une brochure qu'elle fait publier par souscription. C'est son testament. C'est son testament, c'est la synthèse de toutes ses expériences, de toutes ses réflexions. Et c'est la réponse à la dénonciation des maux sociaux donc qu'elle a pu faire. Donc elle apporte la solution. La solution qui est à la fois théorique et pratique, c'est-à-dire elle a cette idée, alors dont il faut quand même souligner le caractère extrêmement fort, pionnier. Je pense que là les mots ne sont pas excessifs, que la classe ouvrière constitue une unité, ce thème de l'union, de l'unité est extrêmement important chez elle, et que peu importe les rivalités de métiers, les clivages régionaux et la différence des sexes, ça c'est très important, ne l'oublions pas. La classe, voilà. Alors pour elle, on va peut-être résumer ça d'une formule qui est la sienne. On ne pourra pas réaliser le 1789 des ouvriers, c'est-à-dire accomplir la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, si on en exclut les femmes. Il faut faire, c'est une très belle formule, il faut faire sonner le 89 des femmes et sonner, vous l'avez dit je crois au début, l'égalité est universelle, c'est-à-dire elle englobe tous les êtres humains, hommes et femmes, ou elle n'existe pas. Jean-Claude Caron. Oui, alors, encore plus concrètement, si je puis dire, elle réclame trois droits principaux. Le droit au travail, qui reste son grand combat. Le droit à l'instruction ou à l'éducation. Et le droit à la représentation. Et sur la femme, c'est dans ce texte, l'Union ouvrière, qu'on trouve la formule la plus célèbre, quand elle dit que, je la cite, « L'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire même. Donc on le retrouve là-dedans. Et puis elle veut créer également des palais de l'Union. Donc ces palais d'une ouvrière qui seraient, alors comment les définir, des centres de production, d'instruction, divertissement, hospices pour les ouvriers blessés, pour les personnes âgées, etc. Voilà, il y a un peu tout ça dans cette Union ouvrière, qui n'est pas un très gros livre, hein, c'est une brochure qui est destinée à la plus large diffusion possible. Jean-Claude Caron, très rapidement, en quelques secondes, pourquoi malgré tout ce que vous venez d'évoquer, Flora Tristan n'est pas considérée comme une pionnière du marxisme? Elle n'a pas, comment dire, Proudhon est capable de débattre avec Marx, méchamment. Marx va le renvoyer dans les cordes très vite. Mais Flora Tristan n'est pas une pionnière du marxisme, à mon avis, parce qu'elle n'a pas une pensée élaborée à la manière dont un pur produit de l'université allemande comme Marx est capable d'élaborer sa pensée. Elle est à des années-lumière de tout cela, si je puis dire. Merci beaucoup à tous les deux, Brigitte Krulik et Jean-Claude Caron. Brigitte Krulik, je rappelle que vous avez publié une biographie que vous consacrez à Flora Tristan et qui est parue en 2022 chez Gallimard. Une mystérieuse relation épistolaire, un chevalier splendide et déchu découvrait le destin virevoltant d'un ambitieux libertin dans l'ombre des Lumières. Le nouveau scénario virtuose de l'auteur des Indes fourbes. Du vice ou de la vertu, qui y triomphera? L'ombre des Lumières de Alain Hérol et Richard Guérineau aux éditions Delcourt.